Chance, je ne doute pas. Est-ce que tu vas me quitter? J'aimerais n'avoir aucun doute. J'aimerais n'avoir aucun doute. Quand tu m'embrasses, je ne doute pas. Quand tu m'embrasses, je ne doute pas. Serre-moi, embrasse-moi.